rêvais dans un jardin où j'étais tranquille, où je voyais passer les nuages au loin. J'étais très bien dans ma bulle comme sur une île. Autour il n'existait presque rien. Laisse aller, profite de la vie, me disaient des abeilles comme un refrain. Je rêvais dans un jardin où j'étais tranquille, quand soudain j'ai réouvert les yeux. Oh,